D'accord. Eh bien, donc pas l'académie non plus alors. Non, non. Eh bien, donc on fera ça en direct de notre cave. On fera comme Batman et on reviendra avec la Batmobile la semaine suivante. C'est déjà la semaine prochaine où il n'y a pas de radio. Non, mais moi je prends une semaine. Ah, toi tu prends tes vacances. Moi je prends une semaine de plus. Donc tu prends 15 jours. Oui, même pas, non, une semaine, mais du vendredi au vendredi. Donc, ok. Voilà. Donc j'ai bien fait d'annoncer quand même une émission, je pensais que... Ah bah oui, il y en a la semaine prochaine. Oui, vous serez... La semaine suivante, par contre, il n'y en a pas. Voilà, c'est ça. Voilà. Tous les vendredis dès 18h sur Fadjet, Destination Série. À ce moment précis, vous vous apprêtez à accéder à un nouvel épisode de votre émission Destination Série. Retrouvez Laurent, Benoît, Manon et Sylvain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Destination Série, un numéro de Destination Série qui pose certaines questions à certains qui nous écoutent. Ils devraient être dans les studios de Fadjet, mais ils sont partis en vacances et là ils s'interrogent, c'est ça, de quitter le navire et de ne pas être présent. On peut s'interroger sur un des nouveaux éléments de ce nouveau numéro de Destination Série. Alors, Destination Série saison 24, épisode 6... C'est maintenant. Alors au début, on vous dit toute l'équipe. Non, non, là, il y en a deux qui ont décidé de partir sur, voilà, du côté de Marseille, du côté de Sète, pour retrouver Ingrid Chauvin. Donc les deux qui restent fidèles au poste, c'est bien sûr Ma Pomme et Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonsoir Laurent, quel plaisir de te retrouver. Mais on se sent seul, c'est vrai qu'on n'est que deux. Oui, ça fait bizarre. Oui. Hein, nous n'avons... Il y a de l'écho. Voilà, il nous manque. Alors, il y en a une, elle est toujours en vadrouille. Ouais, donc elle, voilà, hein, c'est une princesse. C'est la globe trotteuse de l'équipe. Mais il y en a un, normalement, qui devrait être là et qui n'est pas là, et ça se remarque. Donc, on va essayer de faire sans lui. Ça va être difficile, oh, mais oui. On va tenir la barre du navire. Alors, aujourd'hui. Je sais qu'il est à l'écoute, il va être heureux aux alentours de 18h15 et de 18h45. J'ai tellement été, mais vraiment épaté, emballé par le travail qu'a réalisé Christian Geller sur un certain album pour un certain artiste, qu'aujourd'hui, je vais vous proposer deux extraits du nouvel album de Tom Anders qui chante les Modern Talking. Je vais vous proposer Romantic Warrior et Operator Gim 609. C'est un inédit, là, le deuxième. Alors, les deux font partie à l'origine du cinquième album duo allemand. Les inédits, on les gardera, on les garde de côté quand Benoît sera de retour. Ça lui fera plaisir. Et on aura le plaisir et l'honneur de vous diffuser une nouvelle chanson, un nouveau titre aux alentours de 18h30. Et là, c'est mon ami Sylvain qui a découvert cette pépite. On adore dans cette émission, la fois dernière, il y a peut-être 15 jours, 3 semaines, on avait diffusé... une chanson qui parlait de la Lorraine. Et là, on a trouvé une artiste qui nous parle de la place Stanislas. Donc là, aux alentours de 18h30, Sylvain, je te laisserai la parole pour mettre en avant cet artiste qui nous propose une belle chanson. Tout à fait. Mais bien sûr, Destination Série, c'est le set actu, c'est secrètement vôtre. Et tout de suite, voici le rétroviseur 2.0. Alors, vous le comprendrez bien... au vu de l'absence de Benoît, qui ne peut pas se retenir d'aller aux infos du côté de Sète pour découvrir les cliffhangers à l'avance, donc là, du côté du rétroviseur, on va simplement donner les audiences. On va pas s'amuser, surtout que là, ça serait compliqué. Sylvain, faudrait qu'il se mesure avec le lampadaire qui se trouve sur sa gauche. Donc, voilà. Je le dis au hasard d'habitude, donc ça changerait pas. Le lampadaire n'a pas encore la parole. Il l'aura peut-être un jour, mais pour l'instant, l'intelligence artificielle ne s'est pas mise dans le lampadaire. Le rétroviseur 2.0. Donc, du côté des audiences de cette semaine, les 5 séries qui ont cartonné, alors tu peux me dire si tu as regardé, si tu as aimé, tu peux commenter. Donc je vais partir comme d'habitude de la cinquième place pour aller sur la pole position en cinquième place cette semaine. On a rendez-vous avec le crime, 2 789 000 téléspectateurs, presque 15% de part de marché, deuxième meilleure audience pour France 3. On était mardi, donc c'est rendez-vous avec le crime qui a été en pole position. En quatrième position, on a notre Simon Coleman, 2 935 000 téléspectateurs. C'est ça. Ça résiste quand même, hein, Simon Coleman. Ça résiste mais ça faisait quand même... Ça faisait quand même des audiences un peu plus fortes. Hein. Benoît serait présent. Il y en a qui ont arrêté pour moins que ça, au niveau des séries. Bah, surtout sur France 2, ça, voilà, l'audience est belle, mais les productions maison, d'habitude, font plus. Donc là, 17,4% de parts de marché pour France 3, quand même en pole position, hein, avec 2 935 000 vendredi 17 octobre. C'est Simon qui était leader sur la TNT. En troisième position cette semaine. Alors là, il faut que je descende sur ma feuille, hein, parce que comme c'est les audiences qui sont tombées encore ce matin pour la soirée d'hier, là, en troisième position, on a Section de Recherche qui devait s'arrêter, mais au vu des audiences, TF1 fait des téléfilms événementiels. Et là, Section de Recherche, 3 205 000 téléspectateurs, presque 18% de part de marché, leader. La TNT n'est pas morte, hein, quand même. Ça résiste. Ouais, ça résiste. Ça résiste. On a plus les audiences d'avant, mais ça résiste bien avec des marques fortes. La TF1 s'en sort très bien. C'était hier soir, jeudi 23 octobre. En deuxième position, nous avons Candice Renoir, qui elle aussi revenait pour un téléfilm exceptionnel. 3 410 000 téléspectateurs, première audience de la soirée pour France 2. Là, on dépasse la barre des 18%. Et désormais, vous l'avez compris, Candice Renoir est détective. Alors, je ne sais pas si on a beaucoup de détectives en France, mais au moins, on a une belle représentante de ce job. C'est la belle Candice. Et en pole position, on a qui ? On leur traque quelque chose. Et non, lundi, après une... Ah, Montmartre, excuse-moi. Après une pause. Oui, en plus, j'ai regardé, excuse-moi. Après une pause, on avait Montmartre qui était de retour lundi sur TF1. 3 609 000 téléspectateurs, 18,4% de part de marché. Là aussi, pour Montmartre, on aurait pu, au vu de l'abattage, on aurait pu penser que la série resterait aux alentours des 4 millions. Mais là, on est bien en dessous, à 3 609 000 téléspectateurs. Ouais, mais il faut dire qu'on a vu tous les décors dans le premier épisode, l'escalier, la rue, le théâtre. Ben, en fait, il n'y a rien d'autre. Après, c'est un peu de mise en scène et de blabla, mais bon, voilà, il y a un spectacle un peu dénudé qui attire un peu le chaland pour chaque épisode. C'est le seul prétexte à regarder la série, en fait. Mais pour moi, c'est... Voilà. Le seul prétexte à regarder la série, c'est le spectacle dénudé. Ben, t'as tout dans la bande-annonce, en fait. Ils te vendent ça comme un spectacle incroyable, voilà. Mais bon, c'est un peu en dessous des attentes quand même pour les dialogues, les décors. Enfin, les dialogues encore, je dirais que ça irait, mais ça manque de profondeur et d'épaisseur, on va dire. Alors, il me met... Je reste sans voix. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi, mais il me met... Finalement, j'ai raccroché à Montmartre. Ah, bah, bonne nouvelle. Mais moi, j'ai regardé aussi. Hein. Je regarde depuis le début, d'ailleurs. Ok. Moi, je suis toujours avec Jack Bauer. Hein. surtout que là, cette semaine, lundi, mardi, ça a été assez violent. Après un voyage en Allemagne qui a été moyennement fructueux. Tu nous raconteras un peu peut-être. Ah mais on va attendre que Benoît soit de retour. D'accord. Oui, ben non, mais parce que comme ça l'intéresse fortement, je vais pas faire ça sans lui. Les deux épisodes de lundi se laissaient regarder. Mais complètement. Voilà. Je suis d'accord avec Benoît à distance. Avant de retrouver Secrètement Vôtre, avec alors je tiens à signaler à tous ceux qui suivent la chronique, alors j'en croise pas mal dans la semaine. Ah bon ? Ils sont impatients de découvrir la chronique. J'ai un début de célébrité, c'est ça que t'es en train de m'expliquer. Il y a pas mal de personnes qui s'affolent. Je tiens à préciser que on va ouvrir Secrètement Vôtre comme d'habitude, mais avant d'aller sur les trois sujets mis en avant par Sylvain aujourd'hui, on va s'arrêter sur un élément qu'il avait mis en avant dans une précédente émission. Est-ce que ce serait de la musique ? Alors, Sylvain a fait des recherches. Moi, j'ai essayé de faire un montage pour essayer de comprendre ce que Sylvain voulait comprendre le cheminement et comment il avait pensé le truc. Alors, Pour être très clair, à un moment donné, il m'avait donné une mauvaise info. Presque. Hein. Donc, c'était presque faux, mais surtout vrai. Limite, moi, je me suis cru, mais c'est pas possible. Je suis teubé. Hein. Je comprends pas. Et en fait, non, j'avais pas la bonne chanson. Donc, t'avais l'album, en fait. T'avais pas la bonne chanson. Voilà, on vous expliquera. Alors, il me met quoi ? Les deux épisodes de Demain, c'est demain, je reste sans voix sur le programme musical. Ah, mais c'est normal, Benoît, c'est ce que tu adores. Donc là, tout de suite, on retrouve Tom Anders. Oh. Tom Anders sings Modern Talking. Si vous avez aimé les Modern Talking dans les années 80, sachez qu'en Allemagne, dans l'Europe, mais pas en France. C'est une folie, en fait, c'est une folie complète. Donc les albums, les six premiers albums de Modern Talking ressortent. Le dernier, In the Garden of Venus, sortira le mois prochain. C'est là où je vais avoir mon coffret collector. Et on peut remercier Cyril Hanouna, d'ailleurs, je t'en avais parlé un petit oui, peu. Oui, oui, il fait une promotion sans faille à Tom Anders. Alors, en plus, je voudrais saluer Cyril, qui met en avant Chéri... Qui nous écoute peut-être, hein, d'ailleurs. Qui, ouais, certainement. Il met en avant Chéri Lady. Il faut savoir qu'en France, les radios qui pensent encore à Modern Talking restent calées sur Yomaha, Yoma Soul et Brother Louis. Donc, le fait que Cyril Hanouna met en avant Chéri Lady, qui est la chanson du groupe la plus reprise dans le monde, je cherche encore l'explication, mais c'est une folie, cette chanson. D'ailleurs, la dernière prestation de Thomas en Allemagne la semaine dernière, quand il chante cette chanson-là, les gens sont en folie. Ils crient, ils adorent cette chanson-là, alors que moi, mes préférences ne sont pas sur celle-ci, mais voilà. Donc là, moi, je vous propose, donc, le premier extrait que je vous propose là maintenant, c'est une chanson, comme le deuxième, c'est une chanson qui faisait partie dans les années 80 de l'album Romantic Warrior. D'ailleurs, le nom de la chanson, c'est le nom de l'album. Et la façon, alors je ne vais pas vous embêter à vous faire écouter la version 80 et la version revisitée par Christian Geller, mais la version que nous propose Christian Geller, le lifting qu'il a donné à ce morceau-là, moi je fonds. Donc comme cette émission c'est ce que j'aime, j'adore vous mettre en vous proposer ce que j'adore. On t'aime aussi Laurent. Donc voilà, je vous propose ce titre qui, déjà dans les années 80, m'avait touché, mais alors là, revisité avec le respect de la version originale, c'est encore meilleur. On se retrouve dans 3 petites minutes, c'est ça ? Non ? 4 minutes ! Oh, dis donc, Benoît va être aux anges. 4 minutes de Modern Talking, là maintenant, dans Destination Série, sur Fadjet. Destination Série, avec Laurent, Benoît, Manon et Sylvain. Of love, give me Comme quoi, les autres radios, c'est une erreur. C'est une erreur de votre part de ne pas diffuser les nouveaux titres de Tom Anders. J'arrête pas de recevoir des messages. Il y a une influence aujourd'hui. C'est une dinguerie. Je me demandais, pour la chanson que tu as passée, est-ce que c'est Thomas qui fait les chœurs, mais qui sont très hauts? Alors là, même dans les années 80, c'est les purs fans de Dieter Bohlen, le compositeur de base, parlent de HPV. Dans les années 80, c'était déjà fait par ordinateur. En fait, c'était plusieurs choristes qui chantaient le refrain et tout était mixé. Les voix étaient ensemble pour avoir les... Oui. Ben, merci pour l'info. Voilà, c'est les choristes et les voix sont mixées. D'accord. Voilà. Donc là, pour ceux qui s'intéressent, France vient de rejoindre les auditeurs de Destination Série. Bienvenue, France. Donc voilà, et il y en a d'autres qui arrivent, et c'est entièrement normal vu le talent et la popularité de Tom Anders. Là maintenant, on arrête de plaisanter, on reprend son sérieux, car ce soir, dans notre rubrique Secrètement Vôtre, on va changer d'époque et de barreau. Entre un voyageur temporel amateur de paradoxes et une incarcération haute en couleurs, nous allons fouiller les coulisses, mais alors vraiment fouiller les coulisses, pour glaner les secrets et récolter les anecdotes croustillantes. Préparez-vous à sortir des sentiers battus, mettez vos bottes, et à découvrir ce qu'il n'avait pas prévu, que vous sachiez. Alors là, c'était dur à dire. On appelle ça en radio, c'est de la phrase. C'est de la phrase c'est en béton. C'est du savonnage, oui. C'est du savonnage, peut-être pas, mais ça, c'est de la phrase construite. Hein. Et normalement, ce qui suit cette introduction, c'est ce générique que pas mal de monde attend. On commence à le connaître, en fait, apparemment. Oui, apparemment, c'est une folie. Hein. Mais j'ai 2-3 personnes. Pour ainsi dire, je commencerai à être jaloux parce qu'il y a 2-3 personnes qui me disent « Moi, j'attends l'émission, c'est pour entendre le générique de Secrètement Vôtre. Oui, » Sinon, attendez, je peux faire que des génériques, s'ils veulent. Avant, il y a quelque chose, et après... Non, oui, mais le générique de Secrètement Vôtre, c'est quelque chose, quand même. Je l'ai fait avec le cœur, j'avoue. Donc, avant, c'était les chroniques de Benoît, et maintenant, c'est les chroniques de Sylvain. Faut suivre le mouvement. Hein. Une minute, j'arrive, une minute. Allô ? Oui, j'écoute. Que fait-on ? Il faut avoir l'air naturel. Chut ! Pas de bruit. T'es prêt ? Ah oui ? Viens, ton Altesse. Qu'est-ce que tu fais ? Je barricade la porte avant leur arrivée. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Si jamais, je vais mourir propre. Si tu entends des chocs sourds, ne t'inquiète pas. C'est mon cœur. Et maintenant, on retrouve la rubrique « Secrètement Vôtre », présentée par Sylvain. Bienvenue dans Secrètement Vôtre. La chronique qui farfouille dans les coulisses des séries, comme les chats de Laurent dans un carton vide. Ici, on révèle les secrets que même les figurants n'osent pas murmurer à la cantine. C'est parti. Alors, sans vouloir perturber le cheminement de Secrètement Vôtre, j'aimerais rapidement qu'on s'arrête sur un précédent numéro de la chronique. Wow. Alors, pourquoi s'arrêter sur ce précédent numéro ? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Écoutez ceci. J'ai hésité à mettre un autre générique, en vérité, parce que j'ai été surpris de savoir comment avait été composée cette musique. Ça a été composé à partir d'une musique classique qui s'appelle « Marche et cortège » de Bacchus et une autre musique d'un oublié des années 70, Harry Tuman, qui est avec le titre « Andromeda ». Et quand on écoute les deux, on a les deux thèmes et ils ont mixé les deux à l'époque pour faire le générique qu'on connaît. Mythique. Et c'est troublant. Et je voulais presque le mettre, mais je me suis dit non, ça va être un peu trop perché. Et on a Soul Machine qui a repris... Je voulais aussi mettre le générique. Le générique et sa façon. Je voulais être quoi. Authentique, voilà. Et alors, il l'a sublimé. Alors, à ce moment-là, dans Secrètement Vôtre, Sylvain parle de Knight Rider. Tout à fait. K2000. Et moi, je connaissais des secrets sur K2000. Mais alors là, il m'a piqué. Et je me suis dit, punaise, ah bon. Alors, je connaissais l'histoire, le radar devant, là, le... Alors là, c'était les Cylons de Galactica. Ah, hein, on recycle. Déjà, à l'époque, on était dans l'écologie. Hein, on recycle une bonne idée d'une autre série. On le fait encore. Et là, du côté du générique, donc, je te laisse réexpliquer. Et après, pour documenter tes explications, on passera le montage que j'ai réalisé. Donc, le générique de K2000 qu'on connaît, le générique américain... Oui. En fait, ils ont pompé sur deux morceaux, un morceau des années 70 et un morceau qui date de Mathusalem. D'accord, donc ils ont pris la rythmique, oui, d'un, comme je disais, d'un oublié Harry Tuman, juste pour prendre la rythmique de basse et de guitare, pour faire le fond sonore. Et ils ont adapté aussi une mélodie qui vient effectivement de Bacchus, ses cortèges, et je ne sais plus quoi, je n'ai pas retenu ce que j'avais dit, j'ai oublié. Mais c'est Glenn Larson, en fait, à l'époque, qui a fait la musique avec un autre compositeur, qui s'est dit, on va mettre les deux thèmes-là, on va refaire un truc. Mais l'histoire ne dit pas comment ils ont eu l'idée d'utiliser un truc d'un côté et un morceau de l'autre. Ah, je pensais, quand tu es compositeur, tu t'inspires de tout et de rien. Je suis compositeur, je fais ça tout le temps. Okay. J'entends un bruit, une musique... une image, même une image peut m'inspirer. Donc, tout est bon. Une mouche qui dérape sur ton parquet, ça t'intéresse. Tout à fait. Donc, j'ai essayé de faire un montage pour vous expliquer. voilà. Il faut les sources. Je n'ai pas donné les sources à l'époque. Ouais, pour vous démontrer, voilà, ça s'enchaîne. Tendez bien l'oreille. Il y a une ressemblance. Alors, le premier, tu passes quoi en premier? Alors là, dans le montage, en fait, on passe Bacchus. D'accord, donc c'est juste la mélodie, parce que l'autre c'est la rythmique, mais la Bacchus voilà, c'est la mélodie. Mais attention, c'est trois notes. Hein. Ça s'enchaîne. Hein. Je lance le générique de Cœur 2000, on a Bacchus. Okay. Je crois bien que c'est Harry Tuman. D'accord. Et après, on a Bacchus. Tendez l'oreille. Alors là, moi, où je reste sans voix, c'est qu'à l'époque, quand ça sort, cette série, c'est une série avant-gardiste, futuriste, la voiture parle, elle fait des bonds de 15 mètres, elle est pare-balles, et en fait, le générique s'est pompé sur des vieux morceaux. Bah, c'est un peu l'inspiration de tout le monde, on s'inspire toujours de quelque chose. Oui, ça se voulait moderne, c'est ça là où je veux en venir. Bah, ils l'ont modernisé, on est quand même loin d'Harry Tuman, oui, c'est d'accord, un peu triste. Oui, c'est pas des mecs qui sont partis de zéro, ils ont regardé vers le passé... pour trouver une idée et assembler deux morceaux et avoir un générique culte. Oui, bah, c'est des fois en mariant des choses qu'on obtient. C'est les ingrédients, des bons ingrédients font une bonne recette à la fin. Alors, c'est là qu'on comprend mieux pourquoi que maintenant on n'a plus vraiment de générique. Les mecs, ils veulent plus prendre la tête. Oui. Maintenant, on fait des intros et ça passe. Voilà. Non, mais c'est bien de l'avoir passé parce que j'en avais parlé, effectivement, et c'est mis en musique. Alors, le morceau complet de Harry Tuman, parce que c'est... j'ai laissé que le début, mais c'est un morceau quand même qui dure 5 minutes. Ah oui, il faut... C'est un mec qui... Le morceau date de 1982. D'accord. Et après, on reste pas sur... Non. Après, ça évolue. Bah, c'est l'intro. Bon, mais là, le gros du titre est là quand même. Voilà, le gros du titre est là, l'inspiration est là, voilà. Voilà, ça là, on est bien dedans. Ça part. Alors, si vous voulez écouter le titre en entier, c'est Harry Tuman, Sphinx. L'album Andromeda. L'album Andromeda. Et moi, quand on parle de K2000, parce que bon, je suis un peu fan, moi, à un moment donné, j'adore mettre cette chanson, car à l'époque, c'était quand même quelque chose... Je suis le Kit 2000 de la société Nine. Numéro de série Alpha Delta 227529. Je ne suis pas autorisé à donner l'accès de mon unité centrale. Je veux retrouver ma maman. Alors à l'époque, ceux qui ont connu la belle époque de la 5, on a eu à un moment donné, il y avait une émission de variété présentée par Shield Eric. D'ailleurs, l'émission s'appelait Shield Eric. C'était le dimanche après-midi. Et après un épisode de K2000, vous voyez dans l'émission arriver le K2000, avec David Hasselhoff et la jeune fille qui, à l'époque, chante ce titre. Et ça m'a marqué. Et voilà, tout ce que j'aime, je l'ai dans l'émission quand c'est possible. Mais il est très célèbre, David Hasselhoff, en Allemagne. En Allemagne, c'est peut-être pas autant que Thomas, mais il cartonne beaucoup. C'est une dinguerie, je suis d'accord avec toi. Quand il participe à une émission de variété. C'est un bon chanteur aussi. Oui, non, mais il a eu son succès. Tout à fait. Mais plutôt en Allemagne. C'est vrai qu'en France. On est étanche, je sais pas pourquoi. Bah, on est réfractaire, je sais pas. C'est peut-être pour garder la chaleur, chaleur en nous, je sais pas. Maintenant, on va arrêter la nostalgie. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet avec le premier fichier de Secrètement Vôtre de ce vendredi. Je viens du futur. Si vous ne m'écoutez pas, voilà ce qui va se passer. C'est quoi ça ? On est où ? Dans le futur. Donc là, dès le début, on a les boules. J'ai pas de référence, mais... En fait, pourquoi ? Parce que c'est une web-série au départ. Ok. On a fait un film avec Arnaud Ducruet plus tard, en 2022. Mais la série dont on parle, c'est Le Visiteur du Futur. C'est une web-série qui a cartonné à l'époque. Elle s'est sortie en 2009. Il y a eu 4 saisons, 57 épisodes. Avec effectivement des acteurs comme Raphaël Descraques, qu'on a vu dans d'autres choses. Aussi Navo, qui a fait Bref avec Kylian Kojandi. Voilà, ils étaient des précurseurs de quelque chose à l'époque, mais la série se voulait déjantée, fait avec des bouts de ficelle, mais très bien. En fait, pour résumer l'intrigue, c'est un homme du futur qui débarque dans le présent pour prévenir d'une apocalypse nucléaire imminente. Et en fait, il recrute un jeune homme ordinaire, il s'allie à un robot qui est un peu mal dégrossi, ils affrontent des voyageurs temporels et des sectes pour déjouer la catastrophe tout en jouant avec humour, parodie et science-fiction. Alors, la web-série démarre en 2009, comme je l'ai dit, elle est autoproduite et elle se professionnalise ensuite et elle a donné... Bien sûr, un film, comme je le disais, avec Arnaud Ducruet en 2022. Alors, dans les anecdotes et les secrets, en fait, le tournage est complètement artisanal. C'est un budget qui est microscopique. Les premiers épisodes sont tournés avec une simple caméra mini-DV. Les éclairages sont bricolés. Les décors empruntés aux potes. Les effets spéciaux faits maison. Enfin bref, c'est que de la débrouille. Mais cette série a un charme geek post-apocalyptique. La diffusion se fait sur Dailymotion à l'époque et le phénomène devient viral. Elle a été postée sur Dailymotion en 2009, la série explose et a eu 50 000 vues sur les premiers épisodes. Alors on ne se rend pas bien compte aujourd'hui, mais à l'époque c'était énorme, 50 000 vues. On est très loin des millions qu'on fait aujourd'hui, mais à l'époque, en 2009, ce n'était pas gagné de faire 50 000 vues sur quelque chose. Oui, parce qu'à l'époque, on n'avait pas TF1+, on n'avait pas Disney+, on n'avait pas les réseaux comme aujourd'hui. M6+. C'était le début. C'était tous les plus, voilà. Mais le bouche à oreille à l'époque... Le principal, c'est qu'on n'est pas Poney Plus. Hein. Qui sait ? C'est peut-être un projet qu'il faut réfléchir. Le bouche à oreille donc des geeks a tout fait, effectivement, les forums, les conventions, les réseaux sociaux. Et en fait, les fans créent très vite un culte autour du visiteur. Les fans font même du cosplay tellement... C'est emblématique de l'époque. Ah oui, non, mais c'est... Ah oui. Les visuels est très fort. En fait, on reconnaît tout de suite les personnages quand on les voit. Cette série, comme je disais, a lancé des carrières, ça a révélé tout un réseau de créateurs comme Navo, donc comme je disais, qui est le co-créateur, scénariste et réalisateur de la série Bref, mais aussi Raphaël Descraques, qui a participé entre autres au projet Golden Moustache, qui est connu là pour le coup un peu plus. Plusieurs ont bossé donc sur Golden Moustache, le studio Bagel, France TV, enfin il y a eu plusieurs choses, voilà, ça a révélé quand même des talents à l'époque. Et toute une génération en fait entière voilà, de vidéastes français s'en réclame encore, tellement il y avait du potentiel et de la débrouille intelligente. Et de la créativité. La créativité, exactement. Et donc du web au grand écran, il n'y a qu'un pas. Effectivement, après 13 ans, ils ont décidé de faire un film. On retrouve tous les protagonistes de l'époque, plus quelques têtes d'affiche comme Ardo Ducruet. Et le budget cinéma, effectivement, a permis de faire exploser les effets visuels, mais sans perdre, effectivement, la sincérité du début. Et tout est là, comme à l'époque, mais en grand écran, avec, effectivement, quelque chose de beaucoup plus, comment on pourrait dire, spectaculaire, voilà. Donc, ça, c'était pour notre premier dossier. Donc, au niveau des décors, on est au-dessus de Montmartre. Là, bah, complètement, on a explosé Montmartre, là, sur le coup. Ah oui, non, mais il y en a... Non. Faut pas comparer là. Non, on n'est pas du tout dans la même sphère. Enfin voilà, c'est la preuve que quand on prend voilà des bonnes idées, des gens passionnés, effectivement, on arrive à des choses très très bien. Et même avec une webcam et un budget ultra serré, eh ben en fait, ils avaient déjà gagné avec les tout premiers épisodes pour la liaison. Et ils ont réussi quelque chose de génial. On écoute un peu la musique, on a le temps. Ah, t'aimes bien la musique. On va passer au suivant. It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could. Et là, on est dans une série. Alors, le titre, tu le connais, certainement. Ah, ça, c'est un titre connu, mais alors. C'est David Bowie. Et ouais. Le titre, c'est. Alors là, Life on Mars. Ok. Waouh. Oh punaise. Ah, fallait le chercher loin celui-là. Ah, fallait le trouver, oui. Et bien sûr, c'est pour faire référence directement à la série de 2006 qui a compté 2 saisons, 16 épisodes, pour la série originale, hein, parce qu'elle a été reprise dans d'autres pays. Mais la série britannique de départ n'a que 2 saisons et 16 épisodes. Oui, alors ça me fait bizarre, parce que pour moi, il y en avait plus. Non, il n'y a que 2 saisons, et c'était voulu, d'ailleurs, okay. Pour bien boucler l'histoire. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, Life on Mars, c'est un inspecteur en fait, de police de Manchester d'aujourd'hui, donc de 2006 pour la série de l'époque, et qui est victime d'un accident et qui se réveille en 1973. Et il doit naviguer entre la modernité de ses méthodes et les habitudes old school de ses collègues. Surtout, la question permanente qui est posée, c'est est-ce un voyage dans le temps, un coma ou une hallucination ? Et c'est tellement bien fait dans la série qu'on ne peut pas répondre à cette question. C'est aussi pour rappeler que Flashback sur TF1, s'en est directement inspiré, pour le coup, on est exactement dans le même pitch pour la série Flashback qui a été programmée sur TF1. Mais Life on Mars, c'est anglais. Ah, complètement, à l'origine, oui. Complètement, ouais. Alors, tout à fait. Eux, ils ont toujours, les décennies passent, mais... Ils ont toujours des bonnes idées. Oui, ils ont toujours la patte. Oui, il y a quelque chose, il y a une patine, chose. Quand tu tombes sans te faire mal sur une série anglaise, tu te dis tout de suite, c'est anglais. Mais la série explore vraiment des choses bien pour ce genre de série policière, parce que c'est du polar, de la SF, du drame psychologique, et surtout la nostalgie des années 70, qui est à chaque virage, à chaque coin de bureau, c'est génial. Il y a une forme de nostalgie qui est omniprésente, qui est très agréable en fait, à revoir. Pour revenir sur les anecdotes et les secrets, en fait, le titre de la série, comme vous l'entendez, est inspiré du célèbre morceau de David Bowie, et qui est sorti en 1971. C'est pas tout jeune. C'est pour ça qu'elle était complètement adéquate, en plus, à l'époque où ils sont projetés dans le temps. Le morceau évoque déjà la confusion et la perte des repères et les rêves brisés. Ça va complètement, encore une fois, avec la série. Et Bowie, lui-même, a adoré la série. Il la trouvait poétique et mélancolique. C'est la consécration quand t'as Bowie qui te fait un commentaire. Ça veut dire qu'il a regardé, qu'il a pris le temps. En plus, il regarde et il a adoré et il fait un commentaire public. Moi, je dis qu'une fois que t'as fait ça, tu peux mourir, quoi. C'est bien. Le plus tard possible. Oui, comme avait dit un certain Thierry Roland, le plus tard possible. Mais l'ambiguïté dans la série est volontaire. C'est-à-dire que les créateurs n'ont jamais voulu expliquer clairement si le héros voyageait vraiment dans le temps. Est-il mort ? Est-il dans le coma ? Est-il en train de délirer ? Parce que la série oscille entre les trois, en fait, on ne répond jamais. Et chaque épisode, en fait, sème des indices contradictoires, les télévisions qui parlent aux héros, des sons étranges, des visions du futur. Bref, toute cette ambiguïté, en fait, a nourri d'innombrables débats entre les fans et les critiques. Mais dans la série, c'est là où c'est malin, il y a des anachronismes. Et ils sont assumés, parce qu'il y a des objets ou des détails qui sont volontairement hors de l'époque. Il y a une voiture qui est postérieure à 1973, au moment de l'action de la série, il y a une voiture, par exemple, une Ford Cortina, qui est sortie qu'en 1974. Donc, c'est volontaire. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas fait par erreur. Oui. C'est pour mettre encore le trouble, pour semer le trouble chez les spectateurs. Des chansons aussi, qui sont sorties plus tard que 1973, qui passent à la radio pendant les épisodes. C'est un vrai choix artistique. Complètement. Et c'est assumé volontairement pour laisser l'ambiguïté et laisser les spectateurs imaginer. Tout ça, ce n'est pas une erreur, c'est juste une manière d'alimenter la confusion entre le rêve et la réalité. Il y a aussi un personnage secondaire qui, pour moi, est presque aussi important que le héros, c'est celui de Gene Hunt, c'est un chef bourru, macho, et qui a été profondément remanié, d'ailleurs, pendant la production, parce qu'au départ, il est trop sexiste, violent pour passer à l'écran. Ils en ont gardé quand même les gros morceaux, on l'en voit bien, mais bon, les scénaristes en fait quand même adouci le trait, mais sans le trahir. Après à l'époque... C'était pas du tout pareil. Il y avait quand même de sacrées choses qui se disaient, les mentalités, tout ça, c'était... C'est rien à voir, le racisme, la misogynie, c'était normal quoi. Et la succès... Pour moi, rien n'est réglé, hein, parce qu'il y a quand même des... Ah bah il y a des reliquats, il y a, voilà, y a des Rolands. Il y a des Rolands, voilà. On est d'accord. Il y a des Rolands... Mais à nous de les combattre et c'est de ne pas les faire exister. Ne surtout pas baisser les bras. Exactement. Et cette série a un succès, il faut savoir, international. Et il y a eu, bien sûr, des remakes. La série originale n'a duré que 2 saisons. Si tu t'interrogeais sur la durée, mais oui, ça a été volontaire dès le départ pour garder la qualité du récit. Elle a inspiré aussi une version américaine, une version espagnole, et même russe et coréenne. Après David Bowie, là, tout le monde s'inspire de toi. C'est comme HPI, en fait, mais en plus vaste, à mon avis. Bah après, quand une idée est bonne, elle est bonne. Exactement. Et il y a eu quand même un spin-off, il faut le savoir, qui s'appelait Ashes to Ashes, qui est sorti en 2008 et qui poursuit l'univers avec une héroïne différente et un ton plus coloré. Mais ça a moins marqué les esprits parce que ce qui avait été bien à l'époque, c'était la découverte de cette série un peu... un ovni quoi, qui vient un peu de nulle part. Donc voilà, Life on Mars, en gros, ça nous rappelle que le passé n'est pas juste qu'un décor vintage, mais c'est un piège, ni un piège où on sent les néons voilà, se fondre dans une époque. Mais peut-être que ce n'est pas juste remonter le temps, c'est peut-être de redécouvrir ce qu'on a laissé derrière nous, en fait. C'est plus ça qui est intéressant. Là, on atteint un niveau dans cette chronique. C'est souvent ça, les voyages dans le temps, c'est que ça rappelle des choses qu'on avait oublié, qu'on est content de retrouver. C'est cette forme de nostalgie. Moi, les séries qui remontent dans le temps, j'adore. Timeless, Au cœur du temps, voilà, c'est des séries qui me passionnent. Là, j'en ai donné deux quand même. Visiteurs du futur, Life on Mars. Est-ce que la troisième, on va voyager dans le temps? Alors, le problème, c'est que là, il est 45. Et merde, on va la garder au chaud. On va la garder au chaud et d'accord. On la mettra en avant la semaine prochaine. Comme ça, la semaine prochaine, t'as qu'un sujet à me trouver. Non, parce qu'il n'y a pas de radio la semaine prochaine. En plus. Donc, la semaine prochaine, t'es en repos. Je suis en repos pendant 15 jours. Qui a inventé les vacances? Franchement, je comprends pas. Est-ce que je suis en vacances? Moi, je suis pas en vacances. Mais non. Donc, 15 jours, on en reparlera. Dans 15 jours, on en reparlera. Mais pour le moment, là, c'est une pépite. On va vous proposer une sublime chanson qui nous a touchés tous les deux, et c'est avec bonheur qu'on va vous présenter l'artiste. Alors, on va présenter effectivement une artiste qui a sorti un titre, justement, qu'on va entendre là dans quelques secondes, et il est sorti il y a déjà 3 ans, en 2022. Cette jeune artiste s'appelle Violette Fleur Bleue, et la chanson dont on parle, c'est « Place Stanislas ». On ne peut pas faire plus local que ça pour le coup. Et on a une explication pour pourquoi on la découvre seulement maintenant? Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Elle est passée sur Fadjet à l'époque. J'ai écouté l'interview de l'époque en 2022. Ouais. Alors en juin. Pourquoi je n'ai pas... Mystère. Après, je n'ai pas reconnu l'animatrice de l'époque, mais voilà, elle avait répondu aimablement au téléphone. J'ai entendu l'interview. Je l'ai réécoutée pour l'émission. Oui. Et Violette, en fait, c'est une jeune artiste nancéenne de souche, au nom aussi poétique que son univers, mais qui fait parler d'elle, effectivement, depuis quelques années. Alors, elle avait sorti effectivement un single, Place Stanislas, qu'on va écouter bientôt. C'est une chanson qui est effectivement empreinte de douceur, de nostalgie et d'amour pour sa ville. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est plus à Nancy. Et à l'époque où elle écrit cette chanson, elle était partie à Bordeaux. Et c'est là qu'elle a ressenti toute la nostalgie de la ville de Nancy et qu'elle a écrit les paroles Place Stanislas. Alors, elle a écrit des paroles, mais elle n'avait pas la musique. La musique, elle l'a découverte, et ça, je l'ai appris dans l'interview de l'époque de Fadjet. Donc là, je recycle vraiment les infos de sa bouche, d'ailleurs, des infos de Violette. Elle avait, en fait, entendu un jingle radio d'une personne qui faisait, effectivement, de la musique, des jingles, et elle a dit, les 10 secondes là, ça me plaît, il faut en faire une chanson. Et en fait, elle a réadapté les paroles, lui a écrit une musique de 3 minutes, et ils ont fait effectivement ce titre. Donc elle a un peu travaillé comme Glenn Larson à l'époque pour K2000. Oui, sauf que là, ce n'était pas sorti, c'était un projet qui devait être fait, qui n'a pas été fait et qui a été recyclé en chanson, pour le coup, par l'auteur des 10 secondes de musique qui en a fait 3 minutes. Mais c'est un morceau qui existait, qui l'a inspiré. Tout à fait. Alors, j'ai quand même noté quelque chose, et ça, je suis obligé de le dire. J'étais voir le YouTube donc, de Violette, à Fleur Bleue, et j'ai adoré en fait, ce qu'elle a mis dans sa description. Ça dit tout, en fait. Elle a marqué « Violette, Fleur Bleue, ne s'attrape pas, c'est elle qui vous cueille. » C'est joli. C'est hyper joli. Mmh. Rien que pour ça, il faut aller voir YouTube. Mmh. Et si vous voulez être sympa, elle est presque à 1000 abonnés. Elle est à 958, j'ai regardé tout à l'heure. Je pense qu'en écoutant Fadjet, si vous aimez la chanson, faites-lui plaisir, abonnez-vous à la page, ça vous coûte rien, c'est un clic. Et puis elle pourra passer le cap des 1000 abonnés. Il y a une autre info que je voulais donner, c'est que j'ai contacté Violette en sachant qu'on allait passer la musique. Et elle m'a gentiment répondu et elle m'a dit qu'elle allait revenir parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'actualité. Je m'inquiétais un peu, donc je l'avais contactée. Et elle m'a dit, écoute, je vais sortir un album début 2026. Il y a un single qui va sortir en janvier 2026 et on aura certainement la primeur de pouvoir le passer à l'antenne. Je n'ai pas le titre, je n'ai pas la date, mais elle m'a dit, c'est promis, je t'en reparlerai. Voilà, j'ai apprécié sa gentillesse déjà de me répondre et puis de me confier ces petits projets qui ne sont pas officiels pour l'instant, mais qui sont dans les cartons et on va avoir donc de l'info début d'année 2026. N'oubliez pas d'aller sur YouTube. Voilà, c'est Violette Fleur Bleue qu'on va écouter avec Place Stanislas. Oh, j'ai dansé Place Stanislas sur les pavés. Reste des traces de mes errances, de mes erreurs. Maintenant je danse ailleurs. Parfois j'y pense durant des heures et ça me lance au fond du cœur. Où que je sois, à tout jamais, une part de moi y dort en paix. Je t'emmènerai faire les 400 coups sur la place royale, se mêler à la foule qui fait l'amour par un temps glacial. Je retrouverai jouvence qu'on buvait à la paille. Même si le temps s'écoule, on fait l'amour, on se dit vaille que vaille. Oh, j'ai aimé sur la place d'Anne. J'ai arpenté sur ma bécane tous les recoins de la jeunesse, l'amour, la haine et même l'ivresse. Sur les terrasses déjà bondées, mi-février comme en été. Où que je sois, à tout jamais, une part de moi y dort en paix. Je t'emmènerai faire les 400 coups sur la place royale, se mêler à la foule qui fait l'amour par un temps glacial. Je retrouverai la fontaine de jouvence qu'on buvait à la. Place Stanislas sur les pavés, reste des traces de mon enfance qui se meurt et qui m'enlace un bout du cœur. Elle s'appelle Violette Fleur Bleue. Et abonnez-vous. Abonnez-vous et voilà, alors avec un un nom d'artiste pareil. Mais c'est... Oui, il y a tout pour réussir. Oui. C'est donc, mérité. Le titre, Place Stanislas. Donc on prend rendez-vous. Hein. On attend. Ah, début. Alors janvier, et, je me suis peut-être beaucoup avancé. C'est début 2026. Oui, alors, on va guetter. Ah bah, tous les jours, je vais regarder. Dès que le titre il arrive, on saute dessus. Exactement. Voici cette actu en super flash. Cette actu avec Laurent et Benoît. Et non, Benoît est toujours... Si, Benoît est avec nous, il nous écoute. Benoît, oui, il est avec nous, mais là, il va surtout prendre l'apéritif avec Ingrid. Donc, à un moment donné, il va nous lâcher et il n'entendra pas le nouveau jeu, le Lorenzo Série Quiz. Alors, du côté de cette actu, rapidement, oui. TF1 a décidé d'arrêter Tracker, on sait pourquoi et on sait quelle série va prendre sa place. Tout à fait, Alors, TF1 interrompt la diffusion de la saison 2 de Tracker à partir du 22 octobre. À la place, nous aurons SWAT, saison 8, qui sera diffusée donc le mercredi soir. Et la raison ? C'est toujours le même problème. En fait, il y a des bonnes audiences, donc ça ne s'explique pas. Bah ouais. C'est toujours le même problème. Hein. Parce qu'en plus, on nous dit qu'on peut continuer à voir la série sur une plateforme. Tout à fait. La saison 2, oui, effectivement, est déjà disponible sur Disney Plus entière. Donc, faut pas se priver, faut y aller. Oui, alors, servons-nous. Alors, peut-être que TF1 adore diffuser les premiers épisodes d'une saison. Et non, comme mais ça, il y a des choix qu'on ne connaît pas et on ne saura jamais. C'est assez perturbant. Tout pour la lumière. Alors là, c'est décidé, c'est plié, c'est encadré. Pas de suite. Pas de saison 2. Non, ben non, un cliffhanger, apparemment, moi, j'ai pas suivi. Vu le cliffhanger, mais apparemment, la fin de saison est dantesque. Et malgré ça, TF1 et Netflix ont dit stop, pas de saison 2. Tout à fait. Alors, le 17 octobre, c'est la semaine dernière, le dernier épisode, le 90e. Il y en avait 90 de prévus. Ouais, On les a vus. C'était dans le cahier des charges. Comme David Vincent. Exactement. Et sachez que les 90 épisodes sont quand même disponibles entièrement sur Netflix et TF1+. Voilà, si vous voulez continuer à vous faire mal avec le final sans la suite, allez-y. Faites-vous plaisir. Moi, je trouve ça hallucinant. Mais c'est une bonne nouvelle pour Jean-Luc Azoulay qui va faire un nouveau Mystère de l'amour. Ils font de la place. Il y a des acteurs là qui sont libres, il va pouvoir les prendre pour essayer d'upgrader sa série. On termine avec cette info, Prison Break, le reboot officiellement annoncé et le casting révélé. Alors là, est-ce que tu peux faire du Benoît ? Est-ce que ça sent bon ou pour toi, c'est un peu compliqué ? Alors, le point faible de la nouvelle série Prison Break, c'est effectivement qu'il n'y aura pas les originaux Wentworth, Miller et Dominique Purcell. Ça, je me dis que... C'est un peu logique. C'est bien. Bah ouais, on a déjà fait des suites à un moment donné, on a bien tiré sur la corde. Là, si on peut repartir sur autre chose. Tout à fait. Maintenant, ils ont mis quand même d'autres têtes d'affiche, bon, pas des inconnus non plus. Hein. Ils ont mis Emily Browning, qui était surtout connue pour son rôle de baby doll dans Sucker Punch, dont on se souvient. Donc voilà, c'est quand même une grosse pointure. Il y a aussi Lucas Cage, qui est connu aussi pour avoir joué dans The White Lotus sur HBO, qui tenait le rôle de Dylan. Il a joué aussi dans You, ce fameux Lucas Cage, dans la saison 4. Il apparaît aussi dans Euphoria. Donc, c'est pas, voilà, on ne met pas des inconnus. Je pense que des bons acteurs, le thème est fort au niveau de Prison Break. Je pense qu'ils ont des bonnes idées. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. À voir, effectivement. Mais il n'y aura pas les originaux, il n'y a pas de date de sortie officielle encore, mais ça devrait être lancé en 2026. Ça paraît très probable. Certainement, là, je pourrais parier n'importe quoi. On en reparlera dans Ça ira mieux demain, quand l'émission sera de retour. Parce que l'émission, c'est comme le patron de l'émission. Hein. L'émission, elle a décidé de partir en vacances. Elle a pris ses quartiers d'été en plein mois de novembre et on la retrouvera en janvier. Ça tombe bien, on aura des nouvelles séries qui vont arriver. Il va falloir qu'elle reparte au taf. Tout de suite, c'est le moment. Hein. C'est le moment tant attendu. On s'est dit, en préparant l'émission avec Sylvain, que c'est quand même fort de café. Il y en a deux qui décident de partir à 7 pour rejoindre Ingrid Chauvin. Et nous, on y tient un autre jeu en fin d'émission. On s'est dit, on va lancer notre jeu, le Lorenzo Série Quiz. Wow. Destination Série, le Lorenzo Série Quiz. Comment ça, c'est un plagiat? Mais non, c'est pas un plagiat. Ben c'est juste que l'idée était bonne. On fait comme avec Life Exactement. On Mars. Hein, et on reprend pour les vénérer et les célébrer. Et voilà, on souligne que l'idée de Manon était bonne. Donc là, il n'y a que Sylvain qui joue. Mais j'ai le stress quand même. Manon et Benoît peuvent jouer par téléphone. Donc là, je vais poser en rafale des questions. Et Benoît, le plus rapidement possible. Moi, c'est pas Benoît, c'est Sylvain. Ah oui, c'est vrai. Benoît, c'est celui qui est parti en vacances. Oui, c'est ça. Donc Sylvain, le plus rapidement possible. D'accord. Si tu peux, tu me réponds. Et donc, eux, de leur côté, c'est ça qui me perturbe, c'est que j'ai décidé, là, maintenant, de faire participer ceux qui sont absents. Si vous voulez participer, vous répondez par message. Tu crois qu'ils vont être plus rapides que moi au micro, en SMS? Ou alors, faut que je sois très mauvais. Le concept est ce qu'il est. Okay. Hein, moi, j'essaye de remplacer Manon. On leur donne combien de temps pour répondre? Alors, écoute, je leur donne jusqu'au moment où on diffusera pour terminer le Tom Anders. Et voilà. Donc, voici la première question. Quelle série des années 60 racontait les aventures de Tony Newman et Douglas Phillips? Titre en français? Américain, si tu veux. Ah, c'est américain, d'accord. Au cœur du temps, je pense. C'est ça. Wow. Quelle série mettait en avant les personnages suivants? Elliot, Adam, Daphné, Roxane, Théa, Morgan? Ah bah, HPI, forcément. Non, ils n'ont pas le temps de répondre, c'est pas du jeu. Comment tu veux gagner? Qui suis-je? Un cliffhanger. Mais attends. Je sais pas, mais j'essaye des réponses. J'ai pas dit Stéphanie de Monaco, mais... Laisse-moi le temps de poser la question. Qui suis-je? Alors, un cliffhanger. Non? Alors, un bip est dans la terminologie anglophone des œuvres de fiction un type de fin ouverte laissée en suspense afin de créer une forte attente, le plus souvent s'aborder par TF1 tout au long de l'année. C'est pas un coup de théâtre de Boudère, c'est bien cliffhanger. On est d'accord. Mais j'avais bon, pourquoi tu me contredis? Ben non, mais le problème, c'est que tu as donné la réponse avant que je... Ben oui, non, mais je suis inspiré. C'est comme avec le Manon, c'est récuise, je fuse. Ah oui, d'accord, mais le problème, c'est ah que... Ah ben ouais, je suis rapide, je suis désolé. Oui. Désolé pour ceux qui jouent par téléphone, c'est très dur. On a essayé de faire un Manon Siri Quiz, comme quoi c'est pas si facile que ça. Hein. Non, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Non, c'est pour ça qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Vivement que ça revienne. Oui, vivement que Manon reprenne les rênes du jeu de fin d'épisode, parce que là. Mais j'ai bien aimé, je m'y croyais. Ouais, mais jusqu'au début ça allait, mais quand t'as donné la réponse avant la question, ça n'allait plus. Ah oui. Oui. Bon. Fallait laisser une chance au lampadaire à côté. Surtout que là, de leur côté, au niveau du téléphone, il n'y en a pas beaucoup qui répondent. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils font, là, ils doivent dormir. Donc j'ai 3 points aujourd'hui, voilà, et eux 0. Voilà, ils ont 0. Lorenzo Cuisse, qu'on retrouvera peut-être. Qu'on retrouvera à chaque fois que Manon aura décidé de partir auprès d'Ingrid. Enfin, je ne sais pas si elle repart auprès d'Ingrid. Tu me donnes envie déjà d'être au prochain épisode de Lorenzo, série Cuisse. Il y a Benoît qui dit « Il est trop fort, Sylvain. » Ah ben non, mais moi, je me refais pas, quoi. J'ai du talent, c'est tout. Ainsi s'achève ce nouveau numéro de Destination Série. Et comme on adore faire les choses brillamment, sublimement, je sais pas si ça se dit, mais avec talent, nous avons décidé de confier le final de cette émission à Tom Anders. Voici le deuxième extrait que je voulais absolument vous proposer aujourd'hui. On va vous emmener tout doucement vers 19h. Avec donc ce titre extrait de Romantic Warrior qui vient de ressortir, revisité par Christian Geller et toujours brillamment interprété par Tom Anders. C'était présent dans l'album des années 80, ça s'appelle Operator Gim Sixonite, si je retiens bien le... Tu l'as bien dit. Dans la chanson, moi et l'anglais, j'y ai cru, donc ça fait 6, ça passe. Ouais. On se retrouve pas la semaine prochaine, puisque Benoît a dit que la semaine prochaine, pas d'émission. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro. Avec Benoît, Manon avec de la chance, peut-être. Si on a de la chance. Mais là, en tout cas, on vous laisse en bonne compagnie avec Tom Anders. Passez de belles semaines à l'écoute des programmes de Fadjet. Et à bientôt. Bon week-end à vous et n'oubliez pas d'aller vous abonner à la page de Violette Fleur Bleue et d'aller écouter. Exactement. Times go by, this world was not mine. easy. Operator.